invitera à danser. Le soleil luisait sur nos têtes, nous valsions enlacés sans parler. Même encore aujourd'hui, ce très doux souvenir me poursuit. Ça fait boum là dans mon cœur, quand ça fait boum, il y a du bonheur. J'entends du tac, le charmant du tac. Et ça fait boum là dans mon cœur, un drôle de boum à l'intérieur. Mais les beaux jours sont trop courts et j'écoute, je redoute ce petit choc, cet amour qui vient faire boum là dans mon cœur. Quand il vient et me dit je t'aime, c'est pour ce qui se passe en moi. Je ne suis plus du tout la même, toujours quand je le vois, qu'elle est moi. Je ne dis rien du tout, mais j'ai froid, puis j'ai chaud tout à coup. Et ça fait boum là dans mon cœur, quand ça fait boum, il y a du bonheur. J'entends tic-tac, le charmant tic-tac. Et ça fait boum là dans mon cœur, un drôle de boum à l'intérieur. Mais les beaux jours sont trop courts et j'écoute, je redoute ce petit choc, cet amour qui vient faire boum là dans mon cœur. Et ça fait boum là dans